Joyeux Noël par Edgar Wallace. Il était une fois un homme qui savait s'y prendre avec les femmes, surtout avec celles qui n'étaient jamais allées à la dure école de la vie. Il s'appelait Alphonse Ribera et se disait espagnol, bien que son passeport portât les armoiries d'une république sud-américaine. Parfois, il faisait voir des cartes de visite sur lesquelles on pouvait lire « Marquis de Ribera ». Mais ceci n'arrivait qu'en des circonstances tout à fait spéciales. Il était jeune, avait un teint olivâtre, des traits classiques, et quand il souriait, montrait de rangées de dents étonnamment blanches. Il trouvait bon de changer occasionnellement d'aspect. Ainsi, par exemple, lorsqu'il avait été attaché à un hôtel égyptien en qualité de danseur à gages, il arborait des petites pattes qui, chose étrange, ne faisaient qu'accentuer la jeunesse de son visage. Cependant qu'au casino d'Anguin, où, par on ne sait quel moyen, il avait réussi à se faire engager comme croupier, sa lèvre supérieure s'ornait d'une mince moustache noire. Les gens sérieux, pondérés et peu imaginatifs, témoins de ses nombreuses aventures, s'étonnaient et s'irritaient à la fois de ce que les femmes daignaient seulement lui parler. Il est vrai que tout homme, même dénué d'imagination, est notoirement incapable de discerner chez ses semblables les qualités de séduction qui font les donjons. Il n'empêche que des femmes irréprochables jusqu'alors succombèrent à son charme et ne manquèrent pas de le regretter. Vint un temps où il se fit le client assidu des établissements de jeu dans lesquels, jadis, il avait occupé les postes les plus humbles et les moins dignes de confiance, où il vécut d'une façon princière dans des hôtels où il avait naguère été payé à tant de piastres par danse. Des diamants brillèrent sur son plastron immaculé, de ravissantes manucures soignèrent ses mains et reçurent des pourboires plus généreux que ceux que lui avaient autrefois discrètement glissés les vieilles dames qui l'invitaient à danser. Il existe une catégorie d'hommes connus pour passer leur temps en d'interminables parties de dominos dans ces cafés de troisième ordre, fort nombreux en certains quartiers peu élégants de Paris, mais qui en revanche sont d'incroyables centres d'information. Ces hommes connaissent exactement les moyens d'existence des gens les plus invraisemblables. Or, ils avaient des idées très arrêtées sur ceux d'Alphonse. Ils auraient pu vous parler, bien que Dieu seul sût d'où ils tenaient ces renseignements, de volumineuses lettres chargées qui lui arrivaient à son appartement du boulevard Haussmann, et aussi d'autres lettres, désespérées celles-là, qui disaient en substance, et en des langues diverses, « Je ne puis vous en envoyer davantage, c'est la dernière fois. » Malgré cela, elles en envoyaient davantage. Alphonse avait donc mis sur pied une entreprise des plus florissantes. De temps à autre, il prenait un wagon-lit pour Londres, Rome, Amsterdam, Vienne ou même Athènes, se faisait conduire au meilleur hôtel, louait l'appartement le plus luxueux, puis téléphonait. D'habitude, l'infortunée femme du monde arrivait en larmes au rendez-vous, proche de la crise de nerfs, amère et l'insulte à la bouche. Mais le résultat n'en demeurait pas moins rémunérateur. Car, après qu'Alphonse leur eut lu certains extraits des lettres qu'elle lui avait envoyées au temps de la grande passion, et ajouté à cela des précisions sur les revenus de leur mari à une livre, lire, franc ou florin près, ces femmes renonçaient sur le champ à tout raconter à celui-ci, et Alphonse en retournait à Paris muni de ses dividendes. Ceci était sa façon de chasser le gros gibier. D'autres fois, il se contentait d'annoncer sa visite imminente par une lettre d'aspect innocent, laquelle rendait ladite visite superflue. Il ne redoutait guère mari et frère. Sa philosophie, basée sur l'expérience, tenait en piètre estime la nature humaine. Il jugeait que la plupart des gens étaient des lâches, vivant dans la crainte de perdre leur vie et plus encore leur réputation. Il avait l'habitude de porter dans les poches de son pantalon deux revolvers au canon d'argent finement ciselé, véritables bijoux dont la poignée d'ivoire sculptée représentait des nymphes. Il les avait achetés au Caire à un homme qui trafiquait de la cocaïne qu'il allait chercher en fraude à Vienne. Alphonse avait une vingtaine de clientes inscrites dans ses carnets et à l'occasion ne détestait pas d'ajouter de nouveaux noms à sa liste. Parmi ces 20, 5 étaient, dans son esprit du moins, des mines d'or, les autres des mines d'argent. Une de ces mines d'argent vivait en Angleterre. C'était une jeune femme ravissante mais triste. Elle se sentait heureuse avec son mari, sauf quand elle pensait à Alphonse. Elle aimait son mari et se haïssait. Elle haïssait encore plus à Alphonse, d'une haine intense mais impuissante. Ayant une fortune personnelle, elle pouvait payer et payer. Un jour, dans un moment de révolte désespérée, elle lui écrivit « C'est la dernière fois », etc. Alphonse eut un sourire indulgent. Il attendit jusqu'en septembre, date de l'échéance suivante, mais ne reçut rien, ni en octobre, ni en novembre. En décembre, il lui écrivit. Il n'avait aucun désir de se rendre en Angleterre en décembre, car à cette époque, l'Angleterre est un pays lugubre couvert de brouillard. Il se serait senti bien plus à l'aise en Égypte, mais les affaires sont les affaires. Sa lettre arriva pendant que sa destinataire se trouvait à Long Island chez sa tante, car elle était américaine de naissance. Alphonse n'ayant pas répondu à sa propre lettre, elle était partie pour New York sans inquiétude. Son mari, dont le prénom commençait par la même initiale, ouvrit la lettre en toute innocence et la lut soigneusement. Il était loin d'être bête. Il ne songeait même pas à considérer la femme qu'il avait épousée comme une dévergondée. Ce qu'elle avait fait avant leur mariage ne regardait qu'elle seule. Ce qu'il advenait maintenant le regardait. Il comprit aussi la raison de ses nuits agitées, de ses longues crises de larmes sans aucune raison apparente, et pensa à l'avenir. Il partit donc pour Paris et se renseigna à droite et à gauche. Il rencontra quelques-uns de ces hommes qui jouent au domino et apprit pas mal de choses fort instructives. Alphonse arriva à Londres et téléphona d'une cabine publique. Madame n'était pas à la maison. Il reçut une lettre tapée à la machine où rendez-vous lui était fixé pour le mercredi suivant. Bien entendu, c'était un rendez-vous secret. Tout se déroulait donc normalement. En attendant ce mercredi, il tua le temps de la façon la plus agréable qu'il put. Il s'acheta une voiture, Spanza du dernier modèle, fit le nécessaire pour qu'elle le suivît à Paris, et entre-temps la pilota un peu pour se faire la main. Au jour et à l'heure fixée, il se présenta, frappa à la porte et fut introduit. Vert de peur, les genoux tremblants, Ribera livra, sans opposer la moindre résistance, ses deux revolvers en miniature. À 8 heures du matin, le jour de Noël, l'inspecteur Hawkington fut tiré de la chaleur de son lit par un pressant coup de téléphone et apprit ce qui s'était passé. Un laitier qui traversait le common de Chobham avait aperçu une auto immobilisée un peu à l'écart de la chaussée. C'était une voiture toute neuve et qui devait se trouver là depuis la veille au soir. Il y avait 5 centimètres de neige sur sa carrosserie, mais sous l'engin, les fougères étaient restées vertes. Spectacle insolite, même pour un laitier qui, à 7 heures, par une matinée d'hiver, n'aurait dû avoir d'autre ambition que de livrer ses clients le plus rapidement possible et de s'en retourner tout aussi vite chez lui pour participer aux réjouissances de ce grand jour de fête. Il sauta donc de sa Ford. Après avoir pataugé dans la neige, il aperçut un homme étendu sur le ventre et dans sa main grisâtre, un revolver à canon argenté. Il était mort. Après quoi, le laitier stupéfait vit un autre homme. Il ne pouvait distinguer son visage, car la neige avait déposé sur celui-ci une espèce de masque hideux et grotesque. Aussitôt, le laitier s'était précipité vers sa camionnette et avait mis le cap sur le poste de police le plus proche. M. Hawkington arriva sur les lieux moins d'une heure après avoir été appelé. Une 12aine d'agents entouraient la voiture et les 2 corps qui gisaient dans la neige. Les journalistes, heureusement, n'étaient pas encore là. Tard dans l'après-midi, l'inspecteur téléphona à l'un des rares hommes, capable selon lui, de l'aider à débrouiller cette difficile énigme. Archibald Lenton était un des grands espoirs parmi les jeunes du barreau. Les avocats du civil ne peuvent s'empêcher de mépriser quelque peu leurs collègues qui ne s'intéressent qu'aux assises, à l'exclusion de toute autre affaire. Mais Archie Lenton avait survécu au mépris de ses aînés et devenu un spécialiste de cette déplaisante science juridique. Il avait acquis une belle réputation d'avocat défenseur et de maître en matière de certaines catégories de crimes, ayant composé sur le sujet un ouvrage juridique qui faisait autorité. 1 heure plus tard, dans le bureau de l'inspecteur à Scotland Yard, il prêtait une oreille attentive à l'exposé de celui-ci. « Nous avons identifié les 2 hommes. L'un d'eux est un étranger, un Argentin, à en croire son passeport, du nom d'Alphonse ou Alfonso Ribera. Il habite Paris et se trouvait en Angleterre depuis 1 semaine environ. Riche, très riche à mon avis. Nous avons découvert quelque 200 livres dans ses poches. Il était descendu au Netherland Hotel et avait acheté vendredi dernier une voiture de 1200 livres qu'il a payée comptant. C'est cette voiture qui était près des corps. J'ai téléphoné à Paris, on le soupçonne là-bas, d'avoir été un escroc vivant de chantage. La police parisienne a perquisitionné à son domicile et y a posé les scellés, mais sans trouver de documents d'aucune sorte. C'était apparemment un homme de précaution. Il a été tué à coups de revolver, m'avez-vous dit. Combien de coups? Un seul, à la tête. L'autre homme a été tué exactement de la même façon. Il y avait des traces de sang dans la voiture, mais rien de plus. Mr. Linton jeta quelques notes sur un bout de papier. « Qui était l'autre ? » demanda-t-il. « Voilà ce qui est encore plus étrange. Une vieille connaissance à vous. À moi ? Mais bon sang, qui ? Vous souvenez-vous d'un individu inculpé d'assassinat que vous avez défendu, Joe Stackett ? À Exeter ? Bon Dieu, oui. Était-ce donc lui ? Nous l'avons identifié grâce à ses empreintes digitales. En fait, nous le recherchions. C'était un spécialiste du vol de voitures. Il n'est sorti de prison que la semaine dernière. Il avait volé une voiture hier matin, mais l'a abandonnée après une poursuite mouvementée et a échappé à notre brigade mobile. Hier soir, il a volé une vieille auto chez un marchand d'auto. Là également, nous l'avons pris en chasse. Nous avons retrouvé l'auto abandonnée à Tooting. Personne ne l'a plus revue jusqu'à ce que nous la ramassions sur le common de Chobham. Arch Linton s'enfonça dans son fauteuil et contempla pensivement le plafond. Il a volé la Spanza, le propriétaire a sauté sur le marchepied, il y a eu lutte, commença-t-il, mais l'inspecteur désapprouva d'un signe de tête. Où se serait-il procuré son arme? Les délinquants de ce genre ne portent pas de revolver. Et les revolvers en question ne sont pas ordinaires. Des canons en argent, des poignets sculptés représentant des corps de femmes, absolument identiques. Il y avait 50 livres dans la poche de Joey. Les numéros suivent ceux des billets trouvés dans le portefeuille de Ribera. S'il les avait volés, il aurait pris le tout. Un meurtre n'aurait pas fait hésiter Joey. Vous le savez, Mr. Linton. Bien qu'il ait été acquitté, c'est lui qui avait tué cette vieille femme à Exeter. Ribera a dû lui donner les 50. Le téléphone sonna. L'inspecteur prit l'appareil et écouta. Après 10 minutes d'une conversation qui, quant à Hopkinton, se borna à une douzaine de questions brèves, il raccrocha. Un de mes hommes a reconstitué l'itinéraire de la voiture. Elle a été vue à l'arrêt devant une maison de Tooting. Elle s'y trouvait à 21h45 et a été aperçue par un facteur. Si l'idée de passer votre soirée de Noël à percer ce petit mystère ne vous déplaît pas, nous pouvons nous rendre sur place. Ils arrivèrent une demi-heure plus tard à la porte d'une demeure située dans un quartier très respectable. Les deux détectives de faction en avaient les clés, mais n'y avaient pas pénétré. L'immeuble était à vendre et vide. Il appartenait à deux vieilles filles qui, au moment de se retirer à la campagne, avaient confié l'affaire à un agent immobilier. La présence de la voiture devant une maison inhabitée avait attiré l'attention du facteur. Ne voyant pas de lumière aux fenêtres, il en avait conclu que le propriétaire de l'auto rendait visite au locataire de l'immeuble voisin. Hawkington ouvrit la porte et tourna le commutateur. Chose curieuse, bien que notoirement avare, les deux vieilles filles n'avaient pas fait couper le courant. L'antichambre était nue, si l'on accepte une paire de rideaux qui tombaient d'un arceau fixé au plafond. Le salon ne leur révéla rien d'intéressant. Ce fut dans une des pièces sur cour du rez-de-chaussée qu'ils trouvèrent trace du crime. Il y avait du sang sur le parquet nu et dans l'âtre de la cheminée un petit tas de cendres. « On a brûlé des papiers ici. Je l'ai senti en pénétrant dans cette pièce, » déclara Linton. Il s'agenouilla devant la cheminée et ramassa une poignée de cendres. « Elles ont été remuées jusqu'à ce qu'il ne reste pas un fragment assez grand pour nous être de quelque utilité, » reprit-il. Il examina les taches de sang et inspecta soigneusement les murs. Le volet de la fenêtre était fermé. « Ceci, » fit-il, a empêché la lumière d'être visible de l'extérieur et le coup de feu d'être entendu au dehors. Je ne vois rien d'autre ici qui soit digne d'attention. Le sergent, qui visitait les autres pièces, revint leur annoncer qu'une des fenêtres de la cuisine avait été forcée. La table située juste au-dessous de la fenêtre était souillée de boue en un endroit et quelqu'un avait maladroitement essayé d'effacer cette empreinte. Derrière la maison s'étendait un grand jardin et plus loin, un terrain à bâtir. Il était facile d'entrer dans l'immeuble ou d'en sortir sans trop attirer l'attention. Mais si Stackett était recherché par la police, pourquoi serait-il venu ici ? Demanda l'avocat. Sa voiture a été trouvée abandonnée à quelques 200 mètres d'ici, répliqua Hawkington. Il a pu pénétrer ici dans l'espoir d'y trouver un objet de valeur et être surpris par Ribera. Archie Linton rit doucement. Je puis vous soumettre une hypothèse bien meilleure, dit-il. et de passer la plus grande partie de la nuit à rédiger une reconstitution du crime, jusque dans les moindres détails et de la façon la plus convaincante. Ce document se trouve encore dans les archives de Scotland Yard et bon nombre de ses membres les plus éminents ne jurent encore que par lui. Et pourtant quelque chose de tout à fait différent s'était passé dans cette soirée du 24 décembre. Les rues étaient glissantes et les nombreuses voitures avaient de la peine à ne pas déraper. La misérable petite auto de Stackett patinait dangereusement. Il était déjà de fort méchante humeur en partant pour son expédition nocturne, mais au fur et à mesure que la soirée s'avançait sans rien lui apporter de consolant, il devenait de plus en plus taciturne, de plus en plus furieux. La rue principale de cette localité de banlieue était embouteillée. Des tramways se traînaient tels des escargots, et leurs sonnettes résonnaient lugubrement. Sur les trottoirs de part et d'autre de la chaussée, les étals des commerçants formaient une ligne ininterrompue. Étals de fleuristes avec leurs couronnes de houx et leurs boules de gui, étals de bouchers qui, à la criée, offraient leurs marchandises sanguinolentes, étals de maraîchers, étals enfin de marchands de vaisselle aux immenses piles de plats, d'assiettes, de soupirs et de verreries brillant à la lumière des lampes à acétylène. La voiture fit une embardée. Il y eut un bruit de vaisselle cassée et un cri. Rien de plus désagréable qu'un bruit de vaisselle cassée. Le marchand hurlait. Stackett redressa son auto et se faufila entre un tramway et un trolleybus. « Et là, vous !» Il braqua le volant, faillit renverser l'agent qui essayait de l'arrêter, et fonça dans une rue perpendiculaire, mal éclairée, le pied sur l'accélérateur. Il tourna à droite, puis à gauche, puis de nouveau à droite. Il aboutit finalement dans une petite rue typiquement banlieusarde. De part et d'autre, à longueur de chaussée, de petites maisons atrocement pareilles. Des boîtes en briques où des hommes, des femmes et des enfants naissaient, végétaient, payaient leur loyer et mouraient. À 1 mile de là, il dépassa l'entrée du cimetière où tous ces humains trouvaient enfin le repos éternel, récompense suprême de leur existence. Le sifflet de l'agent l'avait pourtant suivi pendant 1/4 mile à peine. Il avait brûlé la politesse à un autre policeman qui se lançait en direction du branle-bas. Il fallait plus qu'un simple flic pour en imposer à Stackett, et la vue de l'agent courant après lui avait fait renaître sa bonne humeur. Il arrêta son petit engin bruyant, en descendit, ralluma la cigarette qu'il avait soigneusement éteinte, contempla mélancoliquement le pare-boue sale et tordu que le moteur faisait vibrer. Un motocycliste emmitouflé jusqu'au menton, ses lunettes valsant autour du cou, descendait en trombe la rue glissante. Il s'immobilisa côté de l'agent de service et, posant un pied à terre pour maintenir sa machine en équilibre, commença à le questionner. « Oui, sergent, » dit l'agent, « je l'ai vu, il est passé par là. J'allais même l'arrêter pour inobservation du code de la route, mais il a réussi à m'échapper. » « C'est Joe Stackett, » déclara le sergent Kenton de Scotland Yard, « un homme maigre au nez pointu. » L'agent n'avait pu détailler le visage de l'homme qui se tenait au volant derrière le pare-brise, mais il avait vu la voiture et en fit une description fort détaillée. « Volé au garage d'Elmer. » C'est du moins ce qu'Elmer prétendra, mais il a dû la lui fournir. C'est un receleur. « Par où disiez-vous qu'il est passé ?» L'agent le lui expliqua, et remettant sa machine en marche, le sergent se perdit dans l'obscurité de la rue. Il manqua Mr. Stackett par suite d'une véritable malchance. Malchance pour tous les intéressés, y compris Mr. Stackett lui-même, qui n'était qu'au début de son étonnante aventure. Ayant coupé le contact, ce dernier avait poursuivi sa route à pied. À quelques 50 mètres plus loin, il se trouva au milieu d'une avenue d'une tenue nettement supérieure à tout ce qu'il avait vu ce soir-là. Même le plus pauvre faubourg possède son West End, et il y avait là des cottages cossus, vraiment cossus, avec des perrons éclairés par des lanternes artistiquement forgées et ornées de verres de couleur, avec des gazons tondus et des rosiers que des bottes de paille protégeaient des intempéries. Il n'y avait pas deux cottages qui se ressemblassent. Tout au bout de l'avenue, il aperçut une petite lumière rouge et son cœur bondit de joie. Noël. Il allait quand même fêter son petit Noël. Il allait bien manger et bien boire et connaître tous les plaisirs de cette sorte qu'il appréciait tant. Même dans l'obscurité qui l'entourait, cette voiture paraissait digne d'être volée. Il vit une ombre près de l'auto et s'arrêta. Le temps était si mauvais qu'il n'aurait pas pu dire si la personne montait dans la voiture ou en descendait. Il écouta. Aucun bruit ne lui parvint, ni celui de la portière qui claque, ni celui du moteur que l'on met en marche. Il s'approcha d'un pas assuré, en jetant des coups d'œil alentour. Toutes les maisons paraissaient habitées. Derrière les rideaux tirés, on devinait des pièces brillamment illuminées. Il entendit s'élever un cantique de Noël, puis les sons nasillards de phonaux jouant des airs de danse. Mais son regard revenait constamment à la limousine parquée devant l'immeuble au bout de la rue. Là, aucune lumière. La maison était toute sombre depuis la mansarde en pignon jusqu'au rez-de-chaussée. Il hâta le pas. C'était une Spanza. Son cœur battit très fort à cette vue, car il y a toujours un acheteur pour une Spanza. Quand elle est neuve, on peut en tirer jusqu'à 100 livres. Ce genre de voiture plaît beaucoup aux Eurasiens et aux Hindous fortunés. Binky Jones, le meilleur receleur de voitures volées, la lui paierait cash 60 livres, pas un penny de moins. Dans une semaine, l'auto aurait été démaquillée et expédiée vers l'Inde où elle serait revendue avec un substantiel bénéfice. La portière avant était grande ouverte. Il entendait maintenant le doux ronronnement du moteur. Il se glissa au volant, ferma la portière sans bruit, et sans même le plus léger soupir, la Spanza bondit en avant. Elle était neuve, toute neuve, au moins 100 livres. Prenant de la vitesse, il quitta l'avenue, longea un common, le laissa derrière lui. Il se trouvait de nouveau dans une artère commerçante, mais il était trop malin pour prendre la direction de Londres. Il préférait, au contraire, aller vers la périphérie, passer par Esher, revenir à Londres par la route de Portsmouth. L'art du voleur de voiture consiste à quitter aussi rapidement que possible le district du délit où la police est aussitôt avertie et à passer dans un district voisin où les autorités ne sont souvent informées du vol qu'avec des heures de retard. Il se mit à penser au supplément. Il y avait à l'arrière de la voiture une grande malle à bagages et peut-être quelques babioles à l'intérieur. Dès qu'il jugerait les conditions propices, il se livrerait à un examen approfondi de la voiture. Pour l'instant, il se dirigeait vers Epsom. À un certain moment, il se rapprocha légèrement de Londres afin d'atteindre le carrefour de Kingston. Il tombait une espèce de grésil, mélange de neige et de pluie. Il actionna l'essuie-glace et se mit à chantonner. Le carrefour se révéla désert. Il faisait trop vilain pour que la circulation fût intense. Mr. Stackett se demandait quel serait l'endroit le plus indiqué pour procéder à son petit examen, quand tout à coup, il sentit dans son dos un désagréable courant d'air. Il avait remarqué qu'une vitre à glissière séparait le siège du chauffeur de l'intérieur de la voiture. Elle avait dû s'entrebâiller. Il esquissa un geste pour la refermer. « Ne t'arrête pas, ne te retourne pas ou je te brûle !» Bien malgré lui, il se tourna à demi et aperçut le canon luisant d'un automatique. Au comble de l'émotion, il appuya à fond sur le frein. La voiture fit une embardée, glissa sur elle-même, puis reprit son équilibre. « Ne t'arrête pas, te dis-je » poursuivit la voix métallique. « Quand tu auras atteint la route de Portsmouth, tu tourneras et tu prendras la direction de Weybridge. Si tu essaies de t'arrêter, je te descends, compris ?» Les dents de Joe Stackett claquaient. Il ne parvint même pas à articuler un « oui ». Il n'eut que la force d'acquiescer d'un signe de tête. Il continua de hocher du chef pendant un bon demi-mille avant de se rendre compte de ce qu'il faisait. Aucune autre instruction ne lui parvint jusqu'à ce qu'ils eussent atteint le champ de course. Alors, sans qu'il s'y attendît, la voix ordonna « Tourne à gauche en direction de Leatherhead ». Le conducteur obéit. Ils arrivèrent à un autre common. Stackett, qui connaissait bien la banlieue londonienne, pensa brusquement que l'endroit était complètement isolé. « Ralentis, range-toi à gauche. » « Il n'y a pas de trou ici. D'ailleurs, tu peux allumer les phares. » La voiture patina, sauta sur quelques accidents de terrain, puis ses roues écrasèrent des lits de fougères. « Stop !» La portière arrière s'ouvrit. L'homme descendit. Il ouvrit brutalement la portière avant. « Descends !» commanda-t-il. « Auparavant, éteins les phares. As-tu un revolver ?»« Un revolver ? Pourquoi diable aurais-je un revolver ?» bafouilla le voleur de voiture. Il était littéralement aveuglé par une puissante torche électrique que l'autre avait braquée sur lui. « C'est la Providence qui t'a envoyé. » Stackett ne pouvait voir le visage de l'inconnu. En revanche, il voyait très bien le revolver que celui-ci exposait complaisamment à la lumière de sa torche. « Regarde à l'intérieur de la voiture. » Stackett obéit et faillit se trouver mal. Il y avait dans un coin du siège arrière une forme tassée, une forme humaine. il aperçut également autre chose, une bicyclette qu'on avait fourrée dans la voiture et dont une roue touchait le plafond et la seconde le plancher. Il vit le visage blanc de l'homme. Mort. Un homme plutôt maigre, petit, aux cheveux foncés, à la moustache noire. Un étranger. Il avait à la tempe un petit trou pourpre. « Tire-le de là !» ordonna sèchement la voix. Stackett eut un geste de recul, mais une puissante poigne le saisit et le poussa vers l'auto. « Tire-le de là !» Le visage couvert d'une sueur froide, le voleur s'exécuta. Il passa ses mains sous les bras de la forme inanimée, la tira et la déposa sur les fougères. « Il est mort » fit-il dans un souffle. « On ne peut plus mort !» répliqua l'autre. Brusquement, il éteignit sa torche. Une lumière grossissait rapidement sur la route. C'était une auto qui se dirigeait vers Escher. Elle les dépassa. « Je t'ai vu venir juste après avoir mis le corps dans la voiture. Je n'avais plus le temps de retourner dans la maison. J'avais espéré que tu n'étais qu'un simple passant. Quand tu t'es installé au volant, j'ai tout de suite compris ta profession. Comment t'appelles-tu ? Joseph Stackett. Stackett. » La lampe balaya de nouveau son visage. « Magnifique. Te rappelles-tu les assises d'Exeter ? La vieille femme que tu as tuée à coups de marteau ? C'est moi qui t'ai défendu. » Joey ouvrit ses yeux tout grands. Il essaya de distinguer les traits de l'homme derrière sa torche toujours braquée sur lui. « Mr. Lenton ? » fit-il d'une voix rogue. « Pas possible. Tu l'avais froidement assassiné pour quelques shillings et en toute justice, tu devrais être mort à l'heure qu'il est. Stackett, si l'accusation avait mieux préparé son dossier. Tu t'attendais à mourir, n'est-ce pas ? Te souviens-tu de nos conversations à la prison d'Exeter au sujet de cette trappe qui refusait de s'ouvrir alors qu'on allait pendre un assassin et de l'espoir que tu avais qu'un pareil miracle viendrait te sauver ? Joey Stackett eut un sourire gêné. « J'étais sincère, monsieur, mais vous ne pouvez pas juger un homme deux fois. » Puis son regard s'abaissa sur la forme allongée à ses pieds, le petit homme à la moustache noire avec un trou rouge dans la tempe. Lenton se pencha sur le mort, tira le portefeuille de la poche de son veston et lentement détacha 10 billets de 5 livres de l'épais paquet de banknotes qui s'y trouvait. « Mets-les dans ta poche. » Stackett obéit en se demandant quel service on allait exiger de lui, et pour que l'avocat remette le reste du paquet dans la poche du mort. Lenton scruta la route derrière eux. Il neigeait maintenant, de la vraie neige. Les flocons tombaient si drus que le sol semblait couvert d'une couche de brouillard. « Tu figures admirablement dans le tableau. Un homme indigne de vivre. Il y a une justice immanente dans notre rencontre. » « Je ne sais ce que vous entendez par justice immanente. » Joey Stackett reprenait courage. Il avait affaire à un avocat et à un gentleman qui, de son point de vue de criminel, était son inférieur. Selon toutes les apparences, l'argent lui avait été donné pour acheter son silence. « Qu'est-ce que vous avez fait, Mr. Lenton ? C'est mal, ça, très mal. Cet homme est mort. » Et dans un éclair, il se rendit compte des possibilités matérielles de la situation. Son insolence ne fit alors qu'augmenter. « Cette affaire-là va vous coûter un petit quelque chose, patron » affirma-t-il, en abaissant brusquement la main vers la poche de son pantalon. Il dut voir le dard de feu qui jaillit de la main de l'autre, mais ne sentit certainement rien, car il était mort avant même de tomber sur le corps étalé par terre. Mr. Archibald Lenton examina le revolver à la lueur de sa torche, ouvrit la culasse, puis la referma. Il se pencha et mit l'arme près de la main du petit homme à la moustache noire, puis soulevant le corps de Joey Stackett, le traîna vers la voiture et le laissa retomber. Il se pencha de nouveau, referma la main encore chaude sur la poignée d'un autre revolver. Après quoi, sans se presser, il sortit la bicyclette de la voiture et la porta jusqu'à la route. Celle-ci était déjà toute blanche, mais un rideau épais de neige fine continuait de tomber. Mr. Lenton pédala énergiquement et atteignit son logis 2 heures plus tard, alors que les cloches de l'église locale carillonnaient allègrement. Un télégramme de sa femme l'attendait. « Joyeux Noël, mon chéri !» Il se sentait ridiculement heureux, à l'idée qu'elle lui songeait à lui envoyer ce câble, car il aimait beaucoup sa femme. Edgar Wallace.